L'actualité à Nancy et ailleurs. Coup de chapeau spécial centième, c'est les 23 et 24 janvier à la MJC Lillebonne à Nancy et c'est par les deux de la spontanée pour en parler. Francis Albiron au studio, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors c'est quoi le coup de chapeau ? Alors le coup de chapeau c'est un festival qu'on fait tous les ans en janvier, au moment où on a fini les fêtes, il fait froid, il n'y a plus grand chose qui se passe. Bien qu'à Nancy il se passe de plus en plus de choses. Mais voilà, à la base c'était ça. Et c'est un festival donc on organise nous avec Lydie Gustin. Et Francis Albiro, on est les deux de la spontanée, on est des clowns, on propose des spectacles qui se jouent au chapeau. Donc si vous aimez pas, vous payez pas, si vous aimez bien, vous payez bien, si vous avez pas de thunes, vous payez pas comme vous pouvez, si vous avez plein de thunes, vous pouvez, etc., etc., etc. Et donc pendant deux jours, on fait venir nos copains qui jouent. Alors c'est très léger, mais on est très ambitieux artistiquement, c'est-à-dire que c'est quand même des trucs. Là, la centième, c'est le spectacle sur la drogue de Benoît Boulet qui s'appelle « De la drogue, oui, mais à quel prix ?» Et c'est la centième représentation qu'il fait. Du coup, on en fait une représentation un peu exceptionnelle avec des guest stars. C'est-à-dire pendant son spectacle, normalement, c'est un solo. Et là, il va y avoir des gens qui vont intervenir pendant... Alors, je ne dis pas parce que c'est des surprises, mais qui vont intervenir pendant son solo. On va faire aussi une visite guidée de la MJC. Parce que la MJC Lillebonne, c'est un lieu qui est assez incroyable, du 17e, avec des escaliers du 15e. Enfin, c'est incroyable. Avec plein de choses qui se passent, plein de choses. Et donc, nous, les clowns, on fait visiter. Donc, on fait marrer, mais en même temps, vous sortez en étant un peu plus intelligent. On va faire un flash mob qu'on a fait sur la place Tan cet hiver. On fait une sortie par derrière. Il va y avoir du cirque avec de la corde et du tissu. Il va y avoir des spectacles de clowns. Enfin, sur deux jours, vous venez à 19h. On vous relâche à 11h30 à peu près. Oui. Et vous êtes allégé, plein de rire. Et sincèrement, depuis qu'on fait ça, on n'a pas eu de gens qui nous ont dit ouais, c'était nul votre truc. On a toujours eu vraiment beaucoup que des gens très très contents. Donc venez les 23-24 à 19h à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Francis. Merci à toi et à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.